tout ça qui aimait danser pour tout ça qui aimait amuser. Écoutez bien par et vos autres et vous autres même mon soldat là. Moi t'es qu'à l'air pour un petit nom dans un tout qui est tout souci. Moi mets-y bon amour pour nous, ouais, comment y est-ce, ça y est.